إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Et on commence maintenant avec les questions tout de suite qui ont été posées au Cheikh à la fin du dernier cours, et on va tout de suite commencer par la suite à expliquer le reste du livre inshallah. Donc la première question, بعض الناس يقول المعين لا يكفر. الجواب هذا من الجهل، إذا أتى بمكفر يكفر. Quelqu'un a posé la question au Cheikh à propos de que certaines personnes disent qu'on ne peut pas faire le takfir d'un individu en particulier. Et le Cheikh a répondu à ce sujet-là en disant que ça c'est de l'ignorance. Si la personne commet quelque chose qui est kofr, qui fait sortir de l'islam, alors dans ce cas-là, elle sera déclarée comme étant kafir, même si c'est un individu. Et bien entendu, ici, à ce sujet-là, il y a d'autres détails qu'il faut comprendre, parce que c'est une question qui a été posée comme ça, et le cheikh, il répond, mais il y a d'autres endroits où le cheikh a élaboré beaucoup plus sur ce détail-là. Et bien entendu qu'on peut faire le takfir pour une personne spécifique, une personne en particulier, mais bien entendu, il y a des règles, il y a des conditions à respecter, et c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut que ce soit quelqu'un qui possède de la science et qui connaisse les règles et les principes de l'islam. Hein? Donc, et de toute façon aussi, à notre niveau, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer, mais il faut se concentrer surtout sur le fait de comprendre notre religion, de connaître qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui n'est pas kufr, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui n'est pas shirk, pour justement se protéger, se préserver soi-même en premier, pour savoir et pour connaître notre religion, et bien entendu aussi pour avertir les autres. Mais en ce qui concerne le takfir, c'est mieux de le laisser aux hommes de science, puisque c'est quelque chose qui est très dangereux. L'autre question qui a été posée ensuite au Cheikh, « إذا كره الشيء ولكن ما تحدث. الجواب ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من كره ما شرع الله حبط عمله. إذا كره الصلاة أو كره تحريم الزنا أو تحريم الخمر كذلك. Donc ils ont posé la question au Cheikh, si quelqu'un déteste quelque chose de la religion mais qu'il ne le mentionne pas, qu'il ne le dit pas. Donc le Cheikh, il répond en disant, en mentionnant le verset 9 dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, le verset qui mentionne, cela est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, et Allah a donc rendu leurs œuvres vaines. Donc quiconque déteste quelque chose de ce que Allah a révélé dans la révélation, dans la sharia, alors ses œuvres sont annulées, ses œuvres sont vaines. si quelqu'un déteste par exemple la salat, ou déteste l'interdiction de zina, ou déteste l'interdiction de l'alcool, donc c'est la même chose. Ça rentre dans qu'est-ce qui est kufr, yani. Même si la personne ne le dit pas, si elle le déteste dans son cœur, eh bien elle rentre dans cette catégorie de ceux dont les œuvres sont annulées. Donc ça c'est un point très important aussi. C'est que ce n'est pas nécessaire que la personne dise, et ça fait partie de la catégorie de ceux qu'on appelle al-munafiqoun, catégorie de ceux qu'on appelle les hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas extérieurement leur haine de la charia ou de l'islam. Ils le gardent seulement dans leur cœur. Et ils le disent seulement dans leur cœur. Donc ceux-là, c'est des munafiqins, c'est des hypocrites. Donc ce n'est pas nécessaire que quelqu'un quitte l'islam qu'il le dise ouvertement. S'il le dit seulement dans son cœur, ou s'il rejette seulement des aspects de l'islam dans son cœur, eh bien il est considéré comme un kafir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rentre dans la catégorie de ceux qu'on appelle les hypocrites, al-munafiqoun, qui montrent leur islam et qui cachent leur mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des munafiqoun qu'ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Donc, ils peuvent cacher leur mécréance des êtres humains, mais ils ne peuvent pas cacher leur mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, man kariha halq al-liha. Al-jawab, hadha mahallu nazar. Hadhihi shubha, li'anna ba'd al-ulama la yaraha wajiba. ولكن من رد شرع الله في فها من رد شرع الله فيها كفر لان اقل الاحوال انها سنه مؤكده. Donc le cheikh il dit, celui qui déteste là-bas, parce que dans la question ils ont dit man kariha halq al-liha, probablement que la personne, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est le fait de détester la barbe elle-même. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam? Et le cheikh, il dit ça, il faut réfléchir là-dessus. Parce que, il y a une choubha ici. Parce que certains ulama, ils disent que c'est pas obligatoire. Et donc, si la personne rejette la révélation d'Allah à son sujet, au sujet de la barbe, donc dans cela, ça, c'est kufr. Mais, parce que le plus bas niveau, Le moindre qu'on peut dire au sujet de la barbe, c'est que c'est une sunna mu'akkada. Mais, donc, on sait qu'il y a certains parmi les shuyukh, parmi les ulama qui ont mentionné dans certains livres comme Qardawi et d'autres, qui mentionnent que la barbe, c'est pas obligatoire. Mais toutefois, les preuves dans le Coran et dans la sunna sont claires au sujet de la barbe, que c'est une obligation. Que ce n'est pas seulement quelque chose qui est recommandé. Donc le cheikh ici, il dit, ça dépend des cas. Si quelqu'un, il pense que ça ne fait pas partie de l'islam, parce qu'il a entendu ça de la part d'un individu que les gens considèrent comme un savant ou quoi, bien dans ce cas-là, c'est un cas, ça dépend des cas. Donc le cheikh, il répond ensuite à propos d'une autre question, yani, lawkari ha shay min arkan al-islam. الجواب ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Donc il répond la même chose. On lui a posé la question si quelqu'un déteste quelque chose des piliers de l'islam. Donc le cheikh il répond encore avec le verset 9 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ceci est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors Allah a annulé leurs œuvres. Donc, que ce soit quelque chose qui fait partie des piliers de l'islam ou bien quelque chose qui fait partie de la religion, de la charia, et que la personne le déteste, ça rentre dans qu'est-ce qui annule la foi de quelqu'un. Comme il y en a, par exemple, parmi des gens qui se disent musulmans, puis qui détestent, par exemple, certaines règles de la religion, comme le hijab, ou bien qui détestent certains aspects de la sunna, ou bien qui détestent certains aspects de des peines islamiques. Ils vont dire, par exemple, qu'ils sont contre telle ou telle punition dans la charia d'Allah pour tel ou tel crime. Hein? Donc ça c'est kufr, yani celui qui déteste ces choses-là. Il doit plutôt essayer de comprendre la sagesse qu'il y a derrière ces règles, hein? Et ne pas se laisser yani berner ou tromper par les kufars qui essaient de montrer aux gens que ces peines-là sont mauvaises, qu'il y a du mal dans ces peines. Il faut plutôt qu'il essaie de voir et qu'il montre, en fait, qu'il essaie de comprendre pour lui-même et qu'il soit capable d'expliquer pour les autres aussi le bien qu'il y a dans ces peines-là et la sagesse qu'il y a derrière et pourquoi Allah, le Créateur des cieux et de la terre, le plus sage des sages, a révélé ce genre de punition pour les criminels ou pour les gens qui ont commis ces peines. Et lorsque la personne va méditer sur ça, elle va tout de suite comprendre les grandes sagesses qui sont derrière. Et elle va comprendre qu'est-ce qui est bénéfique dans ces lois-là et qu'elles sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus complètes que les lois et les peines inventées par les êtres humains. Ensuite, le cheikh il dit, on lui a posé une autre question. من اعتاد على بعض الكلمات التي مثل الذي يقول ما صدقت على الله أو كلمة العجاز الكسلان يعلم الغيب. هذه الكلمات يا شيخ. الجواب ما صدقت على الله هذا أمر سهل. وهذه العادة عند بعض العامية معناه الشيء الذي ما يتيسر إلا إذا تعبت عليه، أي أني ما صدقت أني أحصل هذا الشيء. أما أن فلان يعلم الغيب هذا كفر. من قال إن أحدا يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله، الرسل ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Donc la personne pose une question au chef en lui demandant la personne pose la question au cheikh en lui demandant au sujet de certaines paroles que certaines personnes prononcent ou certaines expressions. Ma saddaqta ala Allah. Ma saddaqtu ala Allah. Bien, je n'ai pas cru. Yani, ma saddaqtu ala Allah. Comment on pourrait traduire cette parole? Yani, c'est une parole que les gens, les ammiyah, disent. Yani, ce serait un peu difficile à traduire littéralement, mais bon, je vais l'expliquer par la suite dans la réponse. Le cheikh il dit, ou kalimatul ijaz, ou bien une parole que les vieux disent, le paresseux connaît l'invisible, connaît l'inconnu. Est-ce que ces paroles-là sont correctes? Est-ce que c'est correct pour quelqu'un de dire ce genre de paroles? Et le cheikh il répond, en ce qui concerne la première parole, ma sadaqtu ala Allah, il dit ça c'est quelque chose qui est simple. C'est une habitude que certains, les gens du commun ont l'habitude de dire ça. Et qu'est-ce que cette parole signifie en réalité? C'est le cheikh il explique, il dit que c'est lorsque quelque chose n'a pas été possible d'être, c'est-à-dire lorsque quelque chose on n'a pas pu le faire facilement et qu'on l'a fait avec beaucoup de difficultés, et qu'on s'est fatigué beaucoup pour le faire, lorsque cette chose-là se produit, ou lorsqu'on arrive à le faire, c'est comme si tu ne crois pas que tu es arrivé à le faire. Donc les gens, quand ils font quelque chose qui est dans ce genre de catégorie de choses, ils disent « ma saddaqtu ala Allah », comme si je n'arrivais pas à y croire. Hein, c'est dans ce sens-là. Et en ce qui concerne l'autre parole qui dit que le paresseux il connaît le rêve, ce genre de parole-là, c'est, le cheikh il dit que ça c'est kufr. Parce que personne connaît le rêve excepté Allah. Et si quelqu'un dit à propos d'une autre personne, autre que Allah, qu'il connaît le rêve, alors c'est un kafir et c'est un apostat. selon le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65, dans surat An-Naml, dit « Personne ne connaît, personne dans les cieux et sur la terre ne connaît le ghaib, ne connaît l'invisible, excepté Allah. » Donc personne ne connaît l'invisible excepté Allah, et même les messagers ne connaissent pas le ghaib. Ils savent uniquement du ghaib ce que Allah leur a enseigné. Comme dans le verset 50 dans surat Al-An'am dit « Je ne vous dis pas, dit au Muhammad, aux gens, je ne vous dis pas que j'ai les trésors d'Allah, que je détiens les trésors d'Allah. Et je ne vous dis pas que je connais l'invisible. Et je ne dis pas également que je suis un ange. » Hein? Donc ça c'est, il y a des versets qui prouvent que personne ne peut connaître le ghaib. Même les messagers ne connaissent pas le ghaib. Une autre question qui a été posée au Cheikh Al-Jahmiya, هل هم مرجئة أم كل وجه من كل وجه أم لا؟ الشيخ يقول الجهمية يرون أن العبد مجبور على أفعاله يسمونه مجبرة يرون العبد مجبور على ما على ما يرون العبد مجبور ما له اختيار ما عندهم نفي الأسماء والصفات ما عندهم نفي الأسماء والصفات نعوذ بالله هم كفار كفرا أكبر. Donc ils ont posé la question au cheikh à propos des jahmiyyah. Est-ce que ce sont des murji'a sur tous les points de vue ou non? Et le cheikh il répond, il dit, il considère que l'être humain est obligé, est forcé de faire ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on les appelle al-mujbira. Hein? On les appelle mujbira parce qu'ils pensent que l'être humain il est contraint de faire ce qu'il fait. On les appelle Mujbira ou bien Jabri. Hein? Et il considère que le serviteur est forcé de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de choix. Il n'a pas de liberté de choix. Et également, il nie les noms et les attributs d'Allah, na'ouzou billah. Le cheikh, il dit, ce sont des koufars. Les jahmiyyah, ce sont des koufars et leur mécréance est une mécréance majeure. Ensuite, la personne répète la question. Yushbihun al-murji'a fi shay. Est-ce qu'il ressemble au murji'a dans quelque chose? Et le cheikh il répond, il dit, قد يقال أنهم يشبهون لأنهم يقولون مجبور على ما عليه حساب ويلزم على قولهم أن الله ظالم له. Donc, le cheikh il répond, il dit, peut-être qu'on peut dire d'un certain point de vue qu'ils font ils sont des yushabbihun, c'est-à-dire ils font du tashbih, ils font des ressemblances entre Allah et sa création parce qu'ils disent que l'être humain est forcé et qu'il ne sera pas jugé donc, puisqu'il n'a pas de choix, donc il ne sera pas jugé. Et ça implique qu'ils prétendent que Allah lui fait une injustice. Hein? Ça implique qu'ils disent que Allah est injuste envers lui. Donc ça c'est d'une certaine façon une forme de tashbih, une forme de ressemblance entre Allah et sa créature puisqu'ils attribuent à Allah l'injustice. Et ensuite la personne repose la question يشبهون المرجئة بقولهم أن الإيمان تصديق بالقلب عندهم الإيمان معرفة. Donc la personne repose la question est-ce que il ressemble au murji'a en disant que la foi c'est seulement le fait de croire avec le cœur ou de reconnaître que quelque chose est vrai par le cœur seulement. Donc ça c'est la parole d'une catégorie des murji'a. Et le cheikh il répond, il dit pour eux la foi c'est la connaissance, c'est-à-dire pour les jahmiya la foi ça, c'est seulement la connaissance. Donc en fait c'est ça, peut-être que le cheikh dans les premiers exemples, dans les premières questions au sujet des murji'a, il n'avait pas entendu comme il faut peut-être. C'est pour ça qu'il parlait de la question de Al-Jabriya, c'est-à-dire la question qui est reliée au Qadar. Puis c'est à la fin seulement qu'il a mentionné que la foi pour eux c'est Al-Ma'rifa. Donc peut-être qu'il n'avait pas bien entendu au tout début. Allahu A'lam. Ensuite, donc, maintenant, on commence maintenant tout de suite le texte de Kashf al-Shubuhat, là où on était arrivé la dernière fois. Et donc, on va On va lire donc le texte et on va lire le charh tout de suite après. Donc le cheikh il dit, ou le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit dans la suite de Kashf al-Shubuhat, وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتله بعدما أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في هذا في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار هؤلاء الجهلة يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه نعم donc on va commencer par traduire cette partie. C'est la Shubha numéro 10 dans le livre et c'est pour expliquer donc comment ils utilisent cette Shubha pour essayer de faire croire aux gens que du moment que quelqu'un dit la ilaha illallah, il ne peut plus être déclaré kafir et il ne peut plus être exécuté. Et ils essaient d'utiliser certains hadiths pour essayer de prouver ça. Parmi les exemples, donc, le cheikh il mentionne, il dit que les mouchriquins ont une autre shubha. C'est qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'acte de Usama ibn Zayd radiallahu anhu lorsqu'il a tué la personne qui a dit la ilaha illallah. Il a dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, après qu'il l'ait tué, après avoir entendu qu'il l'avait tué, après qu'il ait prononcé le shahada, il lui a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit, la ilaha illallah, hein? Donc il a condamné cette action-là, et il l'a réprimandé d'avoir fait ça. Et puis, il mentionne également, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Donc ils essaient d'utiliser ce genre de hadith pour essayer de prouver que une fois que la personne l'a prononcé cette parole, ça y est, il ne peut plus être tué ou combattu de façon absolue. Et le cheikh il répond, il dit que ce que ces ignorants là disent, c'est que la personne qui le dit ne veut pas être déclarée kafir et il ne peut pas être exécuté ou combattu, même s'il fait ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait en fait. Hein? Et le cheikh il répond, il dit ensuite, donc on dit à ce genre de mushrikin ignorant, qu'on sait très bien que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu les juifs, et il a même pris les non-combattants en esclavage par la suite, ceux qui ont été pris comme prisonniers par la suite, il les a pris en esclavage et ils disaient la ilaha illallah, hein, ce sont des gens qui disent la ilaha illallah, les juifs. Il a dit, et de même que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu Banu Hanifa. Et Banu Hanifa, ce sont des gens qui disent la ilaha illallah, et ils disent Muhammad Rasulullah, hein, et ils font la salat, et ils se disent musulmans, ils pensent qu'ils sont musulmans, sauf qu'ils croient en Musaylama, al-Kadhab, faux prophète, Musaylama. Donc, malgré tout, donc, le fait de croire en un autre prophète après le prophète, c'est kufr, Même s'ils disent la ilaha illallah, qu'ils font la salat et qu'ils donnent la zakat ou qu'ils pratiquent des piliers de l'islam, du moment qu'ils ont annulé leur shahada en croyant en un faux prophète, eh bien ça fait en sorte que même s'ils disent la ilaha illallah, ça n'a pas de valeur, hein, ça ne leur sert à rien. De même que ce que Ali radiallahu anhu a fait brûler par le feu, c'est-à-dire parmi ceux qui parmi ceux qui disaient que Ali et Allah les a punis, hein, en les faisant brûler par le feu. Donc, le cheikh, il dit, ces ignorants-là, ils sont d'accord, c'est mushrikoun, ceux qui adorent les tombes et les morts, ils sont d'accord pour dire que celui qui nie la résurrection, il devient mécréant et il doit être exécuté selon l'islam, même s'il dit la ilaha illallah. Et ils sont d'accord également dire que quiconque renie quelque chose des piliers de l'islam, il devient kafir et il doit être exécuté, même s'il dit la ilaha illallah. Hein? Ils sont d'accord avec ça. Donc le cheikh, il leur pose la question, et ça c'est une question vraiment détruit complètement leur logique, hein? Détruit complètement leur raisonnement. Le cheikh leur pose la question suivante. Comment pouvez-vous dire que le fait de dire la ilaha illallah, ça ne sert à rien à la personne qui nie ces aspects-là, qui sont parmi les aspects des branches de la charia, qui ne sont pas des fondements? Vous dites, quand il nie ça, ça ne sert à rien de dire la ilaha illallah pour eux parce qu'il quitte l'islam, hein? Comme par exemple celui qui nie la résurrection, ou bien qui nie par exemple un pilier de l'islam comme la salat ou la zakat ou quelque chose comme ça. Vous dites que celui qui fait ça, son shahada, il ne sert à rien. Alors comment pouvez-vous dire dans ce cas-là que si la personne renie le tawhid, qui est la base de l'islam, la base de la religion des messagers et la tête de la religion, que s'il nie le tawhid, ça peut quand même, la ilaha illallah peut quand même lui profiter? Ça, c'est une contradiction. Comment ça se fait que quand il nie une branche, vous dites que ça ne lui profite plus de dire la ilaha illallah, mais quand il nie la base de la religion, le tawhid, qu'il invoque des prophètes, des morts, des saints, des tombes, et qu'il dit la ilaha illallah, vous dites oui, ça lui profite quand même? Ça, c'est une contradiction, hein? Et donc le cheikh, il dit walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith fa amma حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام. قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. Donc le cheikh explique, il dit, mais les ennemis d'Allah n'ont pas compris la signification des hadiths qu'ils ont mentionnés. En ce qui concerne le hadith de Usama ibn Zayd, lorsqu'il a tué cet homme qui avait dit la ilaha illallah, il l'a tué parce qu'il croyait que cette personne avait uniquement prétendu l'islam parce qu'il avait peur pour sa vie et pour son sang et pour ses biens. Hein, c'est-à-dire que Usama, il a seulement dit la ilaha illallah parce qu'il avait peur d'être exécuté, hein, d'être tué dans le combat. Et donc, il a dit la ilaha illallah pour se protéger. Donc, c'est pour ça que Usama s'est permis de le tuer, parce qu'il croyait que cette personne-là n'avait pas dit la ilaha illallah pour de vrai. Sauf que le cheikh, il dit que lorsqu'une personne montre l'islam, hein, montre un signe apparent qu'il accepte l'islam en disant la ilaha illallah ou en disant أسلمنا on accepte l'islam, ou en disant assalamu alaikum, hein, différents signes comme ça qui montrent, hein, même durant la bataille, hein, montrent qu'il accepte l'islam, à ce moment-là, tu n'as plus le droit de le toucher. À partir du moment qu'il dit la ilaha illallah, ou qu'il dit quelque chose qui montre qu'il accepte l'islam, tu n'as plus le droit de lui toucher, même pas un cheveu. Hein, et tu dois t'abstenir de lui faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que tu vois par la suite, donc il devient clair par la suite, que la personne fait quelque chose qui vient en contradiction avec la ilaha illallah. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 94 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah, pour le combat, alors vérifiez, hein, cherchez la clarification, cherchez la vérification, hein, ça veut dire vérifier lorsque quelqu'un vous dit salam, vous dit qu'il est sur l'islam ou des choses comme ça, eh bien il faut, hein, vous abstenir de le tuer ou de le frapper, et il faut vérifier que la personne a accepté l'islam. Donc si par la suite tu vérifies que la personne est sur l'islam et que tu constates que la personne a contredit l'islam, contredit les fondements de l'islam, dans ce cas-là, il sera exécuté par la suite. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, fatabayyanu. Walau kana la yuqtal idha qalaha lam yakun littathabbuti ma'na. Aussi, une fois que la personne avait dit la ilaha illallah, qu'on devait le laisser de façon absolue. Donc pourquoi Allah nous a dit dans ce cas-là vérifier, hein, si la personne ne pouvait pas du tout être exécutée par la suite, Allah n'aurait pas dit vérifier, hein, et donc le fait qu'il y ait la mention de vérifier, c'est pour montrer que la personne peut être exécutée mais tuée par la suite lorsqu'on a vérifié que la personne est sur le tawhid ou non. Le cheikh il dit وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. أي نعم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك donc le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne l'autre hadith et les hadiths dans ce sens-là, la signification de ces hadiths-là, c'est ce qu'on a mentionné, que la personne qui montre le tawhid et l'islam, il est obligatoire pour nous de s'abstenir de lui jusqu'à ce qu'on ait vérifié que yani, la personne ait commis quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid et l'islam. Si là, on vérifie par la suite et qu'on constate que la personne elle contredit le tawhid et l'islam, dans ce cas-là, eh bien, là, dans ce cas-là, on peut le combattre. Mais si la personne, elle montre l'islam et qu'elle continue à rester sur l'islam par la suite, eh bien ça c'est la preuve que on n'a plus le droit de porter atteinte à cette personne. Le cheikh il dit wa talil ala hada. Donc la preuve de ça, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit أقتلته؟ est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah, parce qu'il a posé la question à Zayd, hein, et qu'il a dit umirtu, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah », jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Yani, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij. Là, peu importe où vous les trouvez, hein, tuez-les. Peu importe où vous les trouvez, les khawarij, tuez-les. Et si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés, comme le peuple de Had. Hein? Et ça, c'est que, malgré que les khawarij sont des gens qui sont parmi les gens qui font le plus d'adoration, hein, qui disent le plus « La ilaha illallah » et qui disent le plus « Subhanallah » et différentes formes de glorification d'Allah, même que les sahaba méprisaient leur propre prière par rapport à la prière des khawarij. Quand ils voyaient les khawarij faire la prière, faire la salat, ils se méprisaient eux-mêmes, tellement que les khawarij étaient extrémistes dans la prière. Là, ces gens-là, ils prient énormément. Et pourtant, ils ont appris la science des sahaba. Mais la ilaha illallah ne leur a pas servi, malgré la quantité d'adoration qu'ils faisaient et malgré qu'ils prétendaient être sur l'islam, à cause de ce qu'ils ont montré comme opposition à la charia. Le cheikh il dit وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المستلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. Donc le cheikh il dit également ce qu'on a mentionné au sujet du combat contre les juifs, du combat des sahaba contre Bani Hanifa, hein, la tribu de Usaylama, Al-Kadhab, le faux prophète. Et le cheikh il dit, et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même voulu combattre Bani Mustalaq, lorsque quelqu'un l'a informé qu'ils ont refusé de payer la zakat. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset 6 dans sourate Al-Hujurat, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la, hein, pour ne pas que vous faisiez du tort à un peuple par ignorance et que vous soyez par la suite pris de remords pour ce que vous avez fait. » Donc, la personne qui avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Bani Mustalaq, c'était un menteur. Et donc, il avait dit qu'ils avaient refusé de payer la zakat, alors que ce n'était pas vrai. Et donc, mais quand même, ça nous montre une chose. Ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les combattre lorsqu'il a appris l'information. Et donc, ça, c'est une preuve, hein, pour ceux qui viennent par la suite, parmi les musulmans qui refusent de payer la zakat. Et c'est pour ça que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu ceux qui ont refusé de payer la zakat. Hein? Et malgré que ce soit des gens qui disaient la ilaha illallah. Hein? Donc tout ça, c'est des preuves contre ce que ces gens-là prétendent, qui essaient de faire croire aux gens que ça suffit de dire la ilaha illallah et de le prononcer, même si par la suite tu fais du shirk. C'est pas grave, hein. C'est de l'ignorance de la part de ces gens-là. Et Cheikh Idikan al-Rajul Kaliban alayhim. Ensuite, il dit wa kullu hadha yadullu. Donc, tout ce qu'on a mentionné, ça prouve que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire, ça clarifie la. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire dans ces hadiths que ces gens-là ont mentionné comme argument pour essayer de justifier leur position. Maintenant, on va lire les paroles de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz au sujet de ces exemples-là qu'on a lus pour essayer d'avoir un peu plus de compréhension sur ces différents points. Donc, le Cheikh Ibn Baz, il dit « Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذه المسألة مسألة مهمة عظيمة أوضحها المؤلف رحمه الله، وهي تعلق المشركين بالأحاديث المطلقة العامة في الأمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله وظن أن من قالها لا يكفر ولو فعل ما فعل، وبعضهم ظن أنه يكفر بأشياء دون الشرك لجهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، دليل على ما درج عليه المؤلف والصحابة وغيرهم كقتال المرتدين. والمعنى أن ذاك ومعنى من ذاك أن من أظهر التوحيد والإسلام كف عنه حتى يعلم منه ما يخالف ذلك. Donc on va traduire cette partie. Donc, le cheikh il commence en disant que la louange appartient à Allah tout entière, et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa guidance. Ensuite, cette question, c'est une grande question, une question très importante que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a expliqué et clarifié. Et c'est en fait les hadiths qui sont généraux, hein, et des hadiths qui sont généraux et sur lesquels les mushrikoun, les adorateurs des tombeaux et des saints, s'accrochent aujourd'hui pour essayer de faire croire aux gens que du moment qu'une personne a dit la ilaha illallah, eh bien, elle ne peut plus yani faire de kufr. Et elle ne peut plus rejeter l'islam, sortir de l'islam, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait. Comme si le fait d'avoir dit la ilaha illallah, eh bien, c'est comme une sorte d'immunité que la personne peut faire qu'est-ce qu'elle veut et dire ce qu'elle veut par la suite, même si c'est en opposition avec les fondements du tawhid, pour eux, c'est pas grave. Même si elle adore les morts, les saints, les tombes, hein, qu'elle fait le shirk, ça dérange pas. Donc ça c'est une fausse compréhension. Et le chef il dit, certains ont pensé qu'une personne peut renier la foi et sortir de l'islam pour des choses qui sont moindres que le shirk à cause de leur ignorance. Et ils pensent que pour le shirk, si la personne commet le shirk, eh bien elle ne peut pas sortir. Mais si elle rejette des choses qui sont moindres que le shirk, ou elle fait des choses qui sont moindres que le shirk dans la religion, là elle quitte l'islam. Comme l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure, hein, du fait qu'ils vont dire, si quelqu'un renie un des piliers de l'islam, oh que la ilaha illallah, là il peut sortir de l'islam. Mais s'il contredit la ilaha illallah, là il ne sort pas de l'islam. Ça c'est de l'ignorance. Et le cheikh il dit, la raison pourquoi ils ont eu cette idée-là, ou ils pensent de cette façon, c'est parce qu'ils ont mal compris les hadiths qu'ils ont mentionnés. Comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Usama ibn Zayd, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah, hein? Ou bien le hadith qui dit j'ai été ordonné de combattre les gens ou les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, puis une fois qu'ils l'ont dit, ils seront protégés contre moi dans leur sein et leur bien, excepté pour un de ses droits. Donc ils se basent sur ce genre de hadith, mais ils n'ont pas compris ce hadith là de la manière dont les sahaba l'ont compris, ni de même qu'ils n'ont pas compris le hadith de la même manière que l'auteur aussi, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'a expliqué, malheureusement, et d'autres également. Qui, par exemple, on voit que les sahabes, ils ont combattu les apostats, hein, et d'autres parmi les gens qui ont fait des oppositions à la charia, ils ont même combattu les juifs et d'autres. Donc c'est la preuve qu'ils ont mal compris, les mouchriquins aujourd'hui qui adorent les tombes, ils ont mal compris ces hadiths. Et le cheikh il dit que la signification de ça, la signification de ces hadiths-là qu'on vient de lire, celui qui mentionne que les hadiths qui mentionnent qu'une fois que la personne a dit la ilaha illallah, on n'a plus le droit de le tuer, ou bien que il est protégé dans ses biens et dans son sein. Le cheikh explique que ça veut dire que la personne qui montre son appartenance à l'islam, son acceptation du tawhid, on doit s'abstenir de lui porter atteinte ou de lui toucher jusqu'à ce qu'on sache que la personne n'a pas contredit rien qui a rapport avec ça. Donc, du moment que la personne contredit, alors par la suite, elle, c'est comme si elle sort de l'islam. Même si au début elle a dit la ilaha illallah, nous on doit prendre le temps pour l'observer, pour voir la personne, est-ce qu'elle a vraiment cru en l'islam et le tawhid. Donc on n'a pas le droit de la toucher par la suite. Mais si on voit par la suite que la personne est encore dans le shirk et qu'elle pratique le shirk ou dit du kufr, et là c'est autre chose, son verdict change pour la suite. Et donc c'est pour ça que le cheikh dit celui que Oussama ibn Zayd radiallahu anhu a tué en croyant qu'il avait prononcé la ilaha illallah pour se protéger ou bien par la peur de son arme ou de son épée, et puis qu'il l'a tué par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que il a considéré que ce qu'il avait fait c'était une erreur, et puis il lui a expliqué que qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de s'abstenir de toucher à la personne qui dit la ilaha illallah jusqu'à ce qu'on observe la personne et qu'on analyse sa situation. Donc le cheikh il dit wa hakadha kullu insan la yaqulu la ilaha illallah min al-kuffar alladhina ya'bawna an yaquluha mithl kuffar quraish lamma qala lahum qulu la ilaha illallah قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فالذين يجحدون لا إله إلا الله إذا قالوها يكف عنهم حتى ينظر في أمرهم فإن استقاموا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة والتزموا الشرع وعلم عنهم الإسلام تم الكف عنهم أما إن قالها وهو لا يؤمن بمعناها ولا يعتقد معناها يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله كما تفعل المنافقين وكما فعل أصحاب مسيلمة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقولون مسيلمة نبي قد كذبوا قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكيف يكون مسيلمة نبي ومحمد خاتم الأنبياء ولهذا قاتلهم الصحابة لأنهم زعموا في مسيلمة أنه نبي وهذا كفر بالإجماع ولو قالوا لا إله إلا الله. Donc, le cheikh il dit donc ce que Oussama, celui que Oussama a combattu, il pensait qu'il avait dit la ilaha illallah seulement pour se protéger ou par crainte de son épée. Alors il l'a tué, le prophète Sansom lui a montré que, ou lui a dit que ce qu'il avait fait c'était une erreur. Et il lui a clarifié qu'il est obligatoire de s'abstenir de la personne qui dit la ilaha illallah jusqu'à ce qu'on l'observe et qu'on vérifie sa situation. Et de même que toute personne qui dit la ilaha illallah parmi les kuffars qui refusent, ceux qui refusent de le dire, comme les kuffars de Quraysh par exemple. Lorsque on leur disait « Dites la ilaha illallah », eh bien, Allah a mentionné leurs paroles dans le Coran, comme le verset 5, en surat Sad, « Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hada la shay'un ujab » Est-ce qu'il veut faire de toutes les divinités une divinité unique? Cela est certes une chose étonnante. Et le verset 36 dans surat As-Saffat, quand il disait « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Et le verset 35 et 36 dans surat As-Saffat, et lorsqu'on leur disait « Dites, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah », ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient « Allons-nous abandonné nos divinités pour un poète fou. Donc ceux qui rejettent et qui renient la ilaha illallah, lorsqu'ils le disent, lorsqu'ils acceptent de le prononcer, eh bien on doit s'abstenir de les tuer ou de les toucher dans le combat, et on doit regarder et analyser leur situation. S'ils restent droits et qu'ils unifient Allah, hein, et qu'ils restent purs et sincères dans leur adoration, dans l'adoration, c'est-à-dire qu'ils purifient leur adoration et qu'ils adorent Allah seul, et qu'ils restent accrochés à la charia d'Allah, alors dans ce cas-là, lorsqu'on a vu qu'ils sont sur l'islam sincèrement et clairement, dans ce cas-là, c'est obligatoire de s'abstenir d'eux, de leur faire quoi que ce soit de mal dans ce cas-là. Mais si ce sont des gens qui le disent, qui disent la ilaha illallah, mais ils ne font que le dire avec la bouche, sans croire à sa signification, hein, sans croire à qu'est-ce que ça signifie, ils font juste dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, comme si c'est juste une parole, et ils continuent par la suite à adorer d'autres que Allah, comme le font les hypocrites, yani, comme le font également les compagnons de Musaylama, ceux qui disent, par exemple, la ilaha illallah, et qui font la salat, et qui font le jeûne du ramadan aussi, et qui en plus de ça disent que Musaylama est un prophète. Le cheikh, il dit, ceux-là, ils ont démenti la parole d'Allah. Le verset 40 dans Surat Al-Ahzab, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Donc si quelqu'un, le cheikh dit, comment quelqu'un peut dire que Musaylama est un prophète et croire que Musaylama est un prophète et dire en même temps que Muhammad est le dernier des prophètes? Et c'est pour ça, c'est une contradiction. Et c'est pour cette raison-là que les Sahaba ont combattu Bani Hanifa à cause de ça. Ils ont combattu la tribu de Hanifa. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru en Musaylama. Et ils ont prétendu qu'il était un prophète. Et ça, c'est un kufr selon le consensus de la Umma, selon le consensus des musulmans. Même si la personne dit la ilaha illallah et que par la suite elle dit je crois à un autre prophète, alors ça c'est considéré comme kufr. كيف يقول مسيلمة؟ Donc c'est ça. وهكذا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب زعموا أنه إله وأنه هو الله فحرقهم وهم يقولون لا إله إلا الله يقولون بألسنتهم ما لا يطاق أفعاله. Donc le cheikh explique que de même que Ali radiallahu anhu, il a brûlé ceux qui prétendaient qu'il était Dieu, hein, ils disent qu'il est Allah. Alors Ali radiallahu anhu, quand il a entendu ces gens-là, il n'a pas pu supporter qu'est-ce que ces gens-là disaient. Alors yani, il les a fait brûler vivants. Malgré qu'ils disaient la ilaha illallah, hein. Donc c'est pas suffisant juste que la personne dise la ilaha illallah. Oui, sur le coup, si elle le dit la personne, c'est bien entendu que on s'abstient de toucher à la personne au moment où elle le prononce. Mais si par la suite on voit qu'elle persiste dans le shirk et dans le kufr, eh bien son tawhid, son témoignage ne sera pas valide. Hein? Ça c'est évident. Naam, le cheikh il dit ensuite, وهكذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم يعتقدون بطلان الدين وأنه لا حقيقة له ويقولون هارياء وتعوذا ومع هذا قال الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم قالوها بالألسن وكفروا بالمعنى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم إيمان. Donc le cheikh explique que également les hypocrites, les munafiqoun, ils disent la ilaha illallah et dans leur cœur ils croient que la religion elle est fausse. Ils disent rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis dans leur cœur ils croient que la religion elle est fausse. Et ils croient que la religion n'est pas réelle, pas vraie. Et ils disent donc la ilaha illallah juste pour se montrer ou pour se protéger. Hein? Alors que Allah a dit à leur sujet dans le Coran, dans le verset 145 dans Sourate An-Nisa, que les munafiqines, les hypocrites, seront dans le niveau le plus bas de l'enfer. Et le fait d'avoir dit la ilaha illallah, le fait d'avoir dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ne leur sera d'aucune utilité, parce qu'ils l'ont dit avec la langue et ils ont renié sa signification. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 142-143 dans Sourate An-Nisa que les hypocrites essaient de tromper Allah et c'est Allah qui les trompe. Hein? Et lorsqu'ils se tiennent pour faire la salat, ils se lèvent paresseusement pour se montrer des gens, pour se faire voir des gens. Et ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Ils sont hésitants. Hein? Ils sont hésitants entre les deux. Ils ne font pas partie ni de ceux-là, ni de ceux-là. Ils ne font pas partie ni des croyants, ni des koufars. Ils ne savent plus de quel côté ils sont. Donc ils sont entre les deux. Et le cheikh dit, ils n'ont pas de foi. Le cheikh dit, « فَهَكَذَا كُلُّ إِنْسَانِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ يُنْكِرُ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ أو ينكر وجوب الصلاة ويستحل الزنا ويستحل الخمر يكفر بذلك عند جميع المسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله. ولهذا عقد العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يأتي بناقد من نواقض الإسلام فيكفر بذلك وإن قال لا إله إلا الله. فلو كان يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم ولكن يقول الزنا حلال، من شاء زنا فلا بأس، كفر عند جميع أهل العلم. أو قال إن الخمر حلال، كفر عند جميع أهل العلم. فالواجب اليقظة والانتباه والتبصر والفقه في الدين. نعم. Donc le cheikh il dit que de même que toute personne qui dit la ilaha illallah, il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis par la suite il adore autre que Allah, ou il nie la résurrection hein, et le rassemblement au jour de la résurrection, ou il nie l'obligation de la salat, ou il rend halal la fornication et l'adultère, ou bien il rend halal, il déclare halal l'alcool, eh bien, pour ces choses-là, il devient mécréant. Il quitte la foi selon tous les musulmans. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Même s'il dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Même s'il dit la ilaha illallah. Et c'est pour cette raison que les savants de l'islam, tous les madahib de l'islam, toutes les écoles de fiqh, ils ont dans leur livre un chapitre qui s'intitule le chapitre au sujet du verdict de l'apostat. Au sujet de l'apostat. Et l'apostat est défini comme étant la personne qui rejette la foi après avoir été musulman, après avoir accepté l'islam. Et c'est celui qui oppose l'islam ou qui pratique quelque chose qui vient en annuler son islam. Donc il devient mécréant pour avoir annulé un des aspects des fondements de l'islam, même s'il a dit la ilaha illallah. même s'il a dit la ilaha illallah par la suite. Donc, même si une personne, elle dit la ilaha illallah, elle fait la salat, elle fait le jeûne, mais que par la suite elle dit que de faire la fornication ou l'adultère c'est halal, et que celui qui désire faire la fornication ou l'adultère, il n'y a pas de problème, il a le droit, celui qui dit ça, il est kafir, selon tous les savants, tous les hommes de science, ils sont tous d'accord sur ça. Il n'y a pas de divergence parmi eux sur ça. Ou de même que la personne qui déclare que l'alcool est halal, et qui dit oui, l'alcool c'est permis, celui qui veut boire de l'alcool, il a le droit. Celui qui dit ça, il est kafir, selon tous les hommes de science. Il n'y a pas de divergence entre eux sur ça. Donc le cheikh, il dit qu'il est obligatoire d'être réveillé, de faire attention, d'avoir de la compréhension et de la science de la religion pour bien comprendre les choses. Ensuite, il dit « Al-Muslim yartaddu idha ata binaqidin min nawaqid al-Islam walau ata bil-baqiyya fa idha kana ya'budu al-Badawi wa ya'budu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ya'budu Zaynab ou ya'budu al-Hassan ou ya'budu al-Hussein ou ya'budu Ali ya'buduhum wa yastaghithu bihim kafara wa lam yanfa'uhum qawlu la ilaha illallah wa hakadha idha ja'ala al-Malaikata aw al-Jinn واستغاث بهم وكفر ولو قال لا إله إلا الله وهكذا إذا دعا الأشجار والأحجار أو الأصنام كما تفعل قريش مع العزى واللات ومنات الواجب على المسلم أن يتبصر أن يكون على بينة في دينه فالمشرك مشرك وإن قال لا إله إلا الله والكافر كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى يؤمن بمعناها وحتى يؤدي حقها. Donc le cheikh il dit que le musulman il peut apostasier, hein? Lorsqu'il peut quitter l'islam, lorsqu'il fait par exemple quelque chose qui vient en annuler son islam, un des nawaqid parmi les nawaqid de l'islam, même s'il en fait juste un naqid, c'est pas nécessaire que la personne ramène toutes les annulatifs de l'islam ensemble. Même s'il en fait juste un et qu'il pratique tout le reste, eh bien, il apostasie, il a quitté l'islam dans ce cas-là. Si quelqu'un, par exemple, il adore un homme qui s'appelle Al-Badawi, hein, que les gens en Égypte adorent en dehors d'Allah, hein, il a une tombe, il a une mausolée qui a été construite sur sa tombe dans une ville en Égypte qui s'appelle Tanta. Et les gens, ils vont là-bas par milliers chaque année pour faire des pèlerinages à cette tombe. Et ils l'adorent en dehors d'Allah. Donc ça, c'est du shirk. Hein? Donc il y a des gens qui adorent cette personne, Al-Badawi. Et il y en a d'autres qui adorent le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ils lui font des invocations, ils lui demandent, hein, en dehors d'Allah, des choses comme ça, alors qu'il est mort et enterré dans sa tombe. Donc celui qui adore le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est mushrik. Il est kafir, hein, il n'est pas musulman. Ou bien celui qui adore celle qu'ils appellent la Sainte Zaynab. Sainte Zaynab, hein, il l'adore en dehors d'Allah. Elle a une mausolée elle aussi en Égypte. Et beaucoup de gens l'adorent en dehors d'Allah. Ou bien d'autres adorent Al-Hassan, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien Al-Hussein, hein, comme les Shia, Rafida en Iran. Hein, qui adore Hussein, qui ont fait une mausolée dans une mosquée à l'endroit où il a été enterré, à Karbala. Et ils prennent même la terre de cet endroit-là pour faire des pierres, pour mettre par terre lorsqu'ils prient, et ils se prosternent dessus. Hein, ils pensent que c'est une terre sainte. Hein, Allah musta'an. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk que ces gens-là font. Ou bien celui qui adore Ali, radiallahu anhu, la même chose. Hein, ou ceux qui les appellent au secours dans les moments de détresse, alors qu'ils sont morts, enterrés dans leur tombe depuis des siècles, hein, ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes, alors comment pourraient-ils aider les autres, hein, d'autres êtres humains? Donc celui qui les adore en dehors d'Allah et qui les appelle à l'aide et qui laisse Allah subhanahu wa ta'ala, hein, au lieu d'adorer Allah et de demander l'aide d'Allah, il demande l'aide des créatures faibles et mortes, enterrées, celui-là il a rejeté la foi en l'islam. Et le fait de dire la ilaha illallah n'a aucune hein, aucune signification en réalité pour ces gens-là. Ils ne sont pas profitables. De même que la personne qui a pris les anges comme divinité en demandant à Allah qu'il les invoque, ou qui cherche là, qui appelle au secours les djinns pour venir à leur aide. Eh bien, ceux-là, ils ont rejeté la foi, même s'ils disent la ilaha illallah. Ou ceux qui adorent ou qui invoquent les arbres, les pierres, les idoles, comme le faisaient les gens de Quraysh, avec Al-Uzza et Al-Lat et Manat, et ainsi de suite, et toutes les autres divinités qu'ils avaient. Donc ça, c'est tous des exemples de shirk et de kufr. Le cheikh, il dit, « Al-wajib ala al-muslim an yatabassar, an yakuna ala bayinatin fi dini. » Donc le musulman, c'est obligatoire pour lui, hein, d'avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de sa religion, pour qu'il puisse pratiquer sa religion avec preuve et avec compréhension. Hein? Il ne fait pas juste faire des choses parce que les gens, ils le font, et lui, il les a vus faire et il le suit. Il les imite comme les singes imitent les gens. Hein? Des fois, les singes, tu fais quelque chose devant le singe, il le répète. Le musulman, il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas être comme un singe dans sa religion, ou comme un perroquet. Il répète qu'est-ce que les gens ont dit parce que les gens l'ont dit. Hein? Et surtout les convertis aussi, hein? Surtout les nouveaux pratiquants, ceux qui n'ont pas pratiqué l'islam durant leur vie et qui commencent à pratiquer tout d'un coup, même s'ils sont nés dans une famille musulmane, souvent ils commencent à pratiquer l'islam en imitant qu'est-ce que ceux qui sont pratiquants dans leur famille font. Ou bien quelqu'un qui n'était pas musulman, qui devient musulman, eh bien il commence à pratiquer l'islam en se basant sur ce que ils voient les gens faire dans la mosquée où ils ont accepté l'islam. C'est pas ça la référence pour comprendre l'islam. La référence pour comprendre l'islam, c'est de retourner aux références de l'islam, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, et de retourner aux ulama de l'islam qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis par la suite. Donc, celui qui prend sa religion des sources et des références, c'est lui qui arrive à avoir une bonne compréhension de sa religion. Il commence par l'étude du tawhid et des bases de l'islam et de la sunna et ainsi de suite, et il évolue comme ça dans sa religion avec une base solide et avec une compréhension ferme, hein, et une connaissance correcte. Tandis que celui qui va un peu partout comme ça, il prend de n'importe qui et il n'étudie pas les bases en premier, eh bien, il finit par avoir une religion qui est complètement confuse, mélangée, et il ne sait plus où est la vérité et le faux, et il mélange tout. Hein? Donc ça, c'est dangereux. Et donc, le cheikh, il dit, le musulman, il doit pratiquer sa religion avec preuve. Et il faut savoir qu'un mouchrik, c'est un mouchrik. Même si le mouchrik dit la ilaha illallah, ça reste un mouchrik. Tant qu'il n'a pas dit cette parole-là avec compréhension et qu'il l'a appliquée par la suite. Il a agi selon sa signification. Ce n'est pas suffisant juste de prononcer la parole. Ou bien, il dit aussi le chef que le kafir, il est kafir. Même si le kafir dit la ilaha illallah, s'il reste sur le kufr, ça ne sera pas bénéfique pour lui. Jusqu'à ce qu'il croit en la signification de la ilaha illallah et qu'il l'applique et qu'il lui donne son droit, hein, et qu'il donne à cette parole-là son droit et qu'il l'applique, hein. Et le cheikh il dit ensuite qala kama qala sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum illa bihaqqiha wa fi al-lafz al-akhar min hadith ibn Umar إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فلا بد من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله وهو الالتزام بدين الله والحذر فيما يسبب الشرك أو يسبب تكذيب الله ورسوله فلو أن إنسانا يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما أوجب الله ولكن يقول ما فيه بعث ولا نشور كفر عند الجميع ولو أنه صلى ولو أنه يصلي ويصوم ويظن أنه ليس بمشرك ولو أنه أعبد الناس إذا قال أنه لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار كفر عند الجميع. وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء ولكن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة ما هي بواجبة أو صوم رمضان ليس واجبا أو الحج ليس واجبا مع الاستطاعة كفر عند الجميع. فالواجب التنبه لهذه الأمور، وأن يكون طالب العلم على بصيرة، وألا يغتر بقول هؤلاء المرتدين، هؤلاء الجهلة الضالين الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات ويقولون نحن مسلمون. نسأل الله العافية ورزقنا الله التوفيق والهداية. الشيخ conclut en disant que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils seront protégés dans leur sein. Ils seront protégés dans leur sein contre moi, excepté pour un de ces droits. Excepté pour un de ces droits, c'est-à-dire pour un des droits de l'islam. Et dans une autre narration, dans le hadith d'Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Illa bihaqqi l'islam wa hisabuhum ala Allah ». C'est-à-dire, ils seront protégés contre moi dans leur bien et dans leur sein, excepté pour un des droits de l'islam. Et leur jugement, est à Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui les jugera. Donc, le cheikh, il dit, donc, il faut pas seulement dire la ilaha illallah, mais il faut également respecter les droits de l'islam et les droits de la ilaha illallah. Et quels sont les droits de l'islam et les droits de la ilaha illallah? C'est de respecter la religion d'Allah et de faire attention de tout ce qui pourrait être une cause de shirk, ou bien une cause de ce qui amène à démentir Allah et démentir son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un parmi les hommes fait toutes les adorations et il croit en tout ce qui est ordonné par Allah, mais qu'il dit par la suite qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas de rassemblement après la mort, il a rejeté la foi, selon tous les savants. Parce que c'est pas suffisant de juste faire, c'est-à-dire c'est pas que tu pratiques tout et tu crois en tout sauf un élément de la foi. Même si c'est juste un élément de la foi que tu as renié, c'est comme si tu avais rejeté le tout. Tu peux pas prendre une partie et rejeter l'autre. Même si c'est, tu dis ah c'est juste, je vais juste rejeter 1% de la religion, c'est pas beaucoup. Juste un élément, 1%. Quelqu'un dit je crois en 99% de la religion, mais je crois pas en 1%. Ça c'est quoi? La personne qui dit ça, elle est devenue mécréante même. Elle est devenue mécréante parce qu'elle a renié quelque chose qui fait partie de la religion de l'islam. Et la plupart des gens à notre époque aujourd'hui, c'est ça leur pensée. Une fois j'ai rencontré une femme juive. Et cette femme juive-là, elle m'a dit, toutes les religions, elles ont du vrai et du faux. J'ai dit, toutes les religions ont du vrai et du faux, sauf l'islam. Et là, elle s'est mise en colère et elle est partie. Elle s'est mise en colère et elle est partie parce qu'elle voulait que je lui dise, oui, toutes les religions ont du vrai et du faux, sauf... elle voulait que je lui dise comme elle, que toutes les religions ont du vrai et du faux, même l'islam. Et je lui ai répondu le contraire. Je dis, toutes les religions ont du vrai et du faux, c'est vrai, sauf l'islam. L'islam n'a que du vrai. Parce que c'est la religion d'Allah. Il ne peut pas y avoir de faux dedans. Et donc, les koufars, eux, souvent, ils te disent des paroles comme ça. Ils te disent des paroles comme pour dire, ah, mais dans toutes les religions, il y a du bon, il y a du mauvais. Toutes les religions, parce que ce sont des religions de fausseté, des religions inventées par les hommes, ou bien, même si à la base c'était des religions qui ont été ramenées par les messagers d'Allah, par les prophètes, comme la religion des juifs et des chrétiens, mais cette religion-là, elle n'est pas restée telle qu'elle. Leur religion, elle a été falsifiée par la suite, et changée. Les messagers sont venus, et après que ces messagers-là sont partis, eux, ils ont changé les messages de ces messagers-là, ils ont rajouté des choses dedans, ils ont enlevé des choses dedans. Donc ces religions-là sont devenues fausses aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui, ce n'est pas la religion que Allah a révélée à Isa. Hein? Et la religion que les juifs suivent aujourd'hui, ce n'est pas la religion que Allah a révélée à Moussa, alayhi salam. Et même si c'était le cas, même si c'était encore resté tel quel, et même si c'était resté tel quel, la religion de Isa et de Moussa, elle ne serait toujours pas valable à suivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu abroger tout ce qu'il y avait comme religion précédente. Et donc personne aujourd'hui ne peut continuer à suivre une religion ou un prophète précédent, hein, et prétendre qu'il est sur une religion de vérité. Parce que ces religions-là sont abrogées aujourd'hui. D'accord? Et donc, il n'y a plus de religion qui est. Il n'y a plus d'autre religion qui soit vraie, totalement vraie, excepté l'islam aujourd'hui. Donc ça, c'est un point très très important, parce que vous voyez ça, souvent les koufars, ils vont vous dire des paroles comme ça, il faut savoir que ça, c'est du kouf. Hein? Et ensuite, donc le cheikh, il dit, si une personne prie, fait la salat, fait le jeûne, et il pense qu'il n'est pas mouchrik, même si c'est la personne la plus dévouée, la plus pieuse, en apparence, qui fait la salat et le jeûne et tout, mais qu'elle dit par la suite, moi je ne crois pas en la résurrection, ou je ne crois pas en au rassemblement après la mort, ou je ne crois pas au paradis, ou je ne crois pas en enfer, eh bien cette personne, elle est kafir. Même si elle fait toutes les prières du monde, même si elle jeûne toute la journée, même si elle prie tous les jours, même si elle jeûne tous les jours, même si elle dit la ilaha illallah du matin jusqu'au soir, même si elle va faire le hajj va faire le hajj à chaque année et la umrah 10 fois par année, hein, et qu'elle revient chaque fois et qu'elle donne de l'aumône et de la charité et qu'elle paie la zakat, peu importe, si elle dit je ne crois pas en ces choses là ou en un élément parmi les éléments de la religion, elle quitte la foi. Le cheikh dit de même que la personne qui dit je crois en tout, puis je crois en tout, qu'est-ce qui est dans la religion, sauf que le zina, comme si l'adultère, la fornication, c'est halal. Ou bien l'alcool, c'est halal. Ou bien il dit la salade, c'est pas obligatoire. Ou bien il dit que le jeûne de Ramadan, c'est pas obligatoire. Ou bien il dit que le hajj, il dit que c'est pas obligatoire, avec la capacité. Et bien celui-là, il est kafir aussi, il est mécréant, il n'est pas musulman, même si hein, il croit en tout le reste. Donc le cheikh, il dit que c'est obligatoire donc, de faire attention à ces choses-là, hein, et que la personne qui cherche la science avec les preuves et la compréhension. Et qu'elle ne se laisse pas tromper par ces apostats et par ces ignorants égareurs, égarés, qui adorent les tombes, qui cherchent, qui appellent au secours les morts, hein, et qui prétendent être musulmans, et qui disent nous sommes musulmans. Donc ça c'est la fin de l'explication donc, de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz au sujet de ces questions-là. On va lire quelques questions qui ont été posées à la suite de ce cours, puis on va s'arrêter. On va s'arrêter à la suite de ça, inshallah. Donc la première question, ما حكم من قال في دعائه يا حبيبي ويريد الله وقول يا مسهل وقول يا هادي يا دليل؟ الجواب ما فيها شيء، هو أحب حبيب سبحانه وتعالى، ولكن ادعوه بأسمائه يا الله يا رحمن، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ادعوني، وما قال ادعوني بحبيبي، ادعوني بأسمائي وصفاتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان هو أحب حبيب، ولكن يدعى بصفاته التي بينها سبحانه وتعالى. Donc, quelqu'un pose la question, quel est le verdict de la personne qui dit dans son dua, « Oh, mon bien-aimé », et il veut dire « Allah ». Ou bien qui dit « Oh, toi, facilitateur », celui qui facilite. Ou « toi, oh, oh, toi, guideur hein? ». Qu'est-ce que c'est le verdict de quelqu'un qui dit ça dans son dua? Le cheikh dit « Il n'y a pas de problème, parce que Allah, c'est celui qui est le plus aimé des bien-aimés. » Hein, c'est lui qu'on aime le plus. Sauf que, Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'invoquer par ses noms. Donc tu dis, oh Allah, oh Rahman, ya Rahman. Hein? Parce que Allah, il dit dans le Coran, dans Surat al-A'raf, verset 180, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ceci. Invoquez-le par ceci. Il n'a pas dit, invoquez-moi en m'appelant le bien-aimé. Il a dit, invoquez-moi par mes noms, par mes attributs. Oh Allah, oh Ar-Rahman, le tout miséricordieux, oh très miséricordieux, oh mon Seigneur, oh toi, celui qui est plein de majesté et de noblesse. Hein? Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran de faire. Mais même si Allah c'est le plus aimé des bien-aimés, mais c'est ce qu'on doit faire, c'est de l'invoquer par ses attributs et par ses noms qui sont mentionnés dans la révélation et qui la clarifient. Ensuite, une autre question. « Ma hukmu man sa'ala billah li amrin walam yajib walam yujib. Ma hukmu man sa'ala billah walam yaf'al. Ma hukmu man sa'ala billah li amrin walam yujib. » وما حكم من سئل بالله ولم يفعل؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه إلا إذا كان ما له حق فيما يسأل ولو قال أسألك بالله ما يعطى ولكن إذا سأل شيء له فيه شبهة سأل من بيت المال أو سأل أن يعطى لأنه فقير يعطى ما تيسر من سأل بالله فأعطوه ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله لا يشدد على الناس ولهذا قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأعمى والأقرع أسألك بالله الذي أعطاك كذا وكذا سأل بالله المقصود أنه إذا كان في شيء مهم وسأل بالله يعطى إذا كان لحق أما إذا لم يكن له حق ما يعطى ولو سأل بالله فلو قال أسألكم بالله أن تعطوني من الزكاة وليس من أهلها لم يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهلها أو قال أسألكم بالله أن تعطوني أموالكم والذي عندكم كله ولا تجعلون لكم شيء ما يعطى. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de la personne à qui on demande quelque chose par Allah et que la personne ne lui répond pas, ou on lui demande de faire quelque chose par Allah et que la personne ne le fait pas. Le cheikh, il répond, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est demandé, celui à qui on demande quelque chose par Allah, ou celui qui vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui. Si quelqu'un vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui la chose qu'il vous demande. Le cheikh dit, excepté si la personne n'a pas de droit dans ce qu'elle demande. Comme par exemple, si quelqu'un dit, je te demande par Allah, hein, on lui demande pas. Il n'a pas de droit dans ce qu'il demande, on ne lui donne pas. Mais s'il demande quelque chose dans lequel il y a une ambiguïté, hein, comme par exemple, quelque chose qu'il demande, comme il demande qu'on lui donne de la bête et le mal, c'est-à-dire du trésor des musulmans, ou qu'on lui donne parce qu'il est pauvre, tu lui donnes ce que tu es capable. Hein. Donc, celui qui demande par Allah, donnez-lui. Mais, c'est pas bien que quelqu'un demande par Allah. parce que c'est comme si tu ne dois pas rendre les choses difficiles pour les gens. Et c'est pour ça que l'ange, lorsqu'il est venu voir l'aveugle et le chauve et le celui qui avait la maladie de peau, hein, je sais pas si c'est la lèpre ou une autre maladie qu'il avait, les trois, lorsque l'ange est venu les voir, l'ange a demandé par Allah, je te demande par Allah de me donner de telle ou telle chose. Quand il est venu les voir, et il a demandé par Allah. Le cheikh dit, qu'est-ce qu'on veut dire? Le but de qu'on a mentionné ça, c'est pour expliquer que si on demande par Allah, on doit demander pour quelque chose d'important. On ne demande pas par Allah pour n'importe quelle chose. On demande par Allah pour quelque chose qui a une importance. Et on va le donner à la personne qui nous demande si elle a un droit dans la chose en question. Mais si la personne n'a pas de droit dans cette chose-là, eh bien on va pas lui donner, même si elle demande par Allah. Comme par exemple, si quelqu'un dit, je vous demande de me donner de la zakat, je vous demande par Allah de me donner de la zakat, et que la personne en question qui demande, elle ne fait pas partie des gens qui méritent recevoir la zakat. Alors dans ce cas-là, on ne va pas lui donner de la zakat, même si elle demande par Allah, parce qu'elle ne fait pas partie des gens qui ont le droit de recevoir de la zakat. Ou bien, quelqu'un dit par exemple, je vous demande par Allah de me donner tout votre argent que vous avez chez vous et de ne rien garder pour vous, de tout me donner. Eh bien, on ne va pas lui donner, le cheikh dit, on ne va pas lui donner dans ce cas-là. Hein? Une autre question ensuite. ما حكم الذي يقول لا إله إلا الله من الكفرة لأنه يخشى أن يضر في كسبه هل يضر أو لا؟ الجواب إذا كان لا يقر بالتوحيد وقال لا إله إلا الله يكف عنه حتى ينظر في أمره مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. أما إذا كان يتكلم في التوحيد ولكن ما كف عن الشرك كلامه لا ينفع ولا بد أن يترك الشرك ويتوب منه. فعباد البدوي وعباد الحسين أو عباد علي أو عباد اللات أو عباد الكواكب أو عباد الأصنام إذا قالوها أي لا إله إلا الله ما يكف عنهم حتى يتوبوا من عملهم حتى يتوبوا من شركهم وكفرهم. وهكذا من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ما يكف عنه حتى يتوب من هذا. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de la personne qui dit la ilaha illallah parmi les kuffars parce qu'il a peur, hein, qu'on lui fasse du tort dans qu'est-ce qu'il a comme bien. Ou bien, yani, le cheikh dit, est-ce que ça lui fait du tort ou non? Et le cheikh répond, il dit, si quelqu'un il ne croit pas au tawhid, n'accepte pas le tawhid, et qu'il dit la ilaha illallah, on va s'abstenir de lui faire un tort jusqu'à ce qu'on regarde dans sa situation. Comme l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Osama. Mais si la personne, une fois qu'elle a dit la parole du tawhid, elle ne cesse pas de faire le shirk, alors sa parole, elle ne lui sera pas d'aucun profit, d'aucun bien, elle ne lui sera pas d'aucun bienfait. Il faut que la personne cesse de faire le shirk et il faut qu'elle s'en repente. Donc les gens qui adorent Al-Badawi, qui adorent Al-Hussein, qui adorent Ali, qui adorent Al-Lat, ou bien qui adorent les astres, les étoiles, ou bien qui adorent les idoles, s'ils disent la ilaha illallah, mais qu'ils ne cessent pas, donc on ne va pas s'abstenir d'eux. Hein? On va s'abstenir d'eux. Tant qu'ils n'ont pas cessé de faire leurs actions de shirk, jusqu'à ce qu'ils se soient repentis de leur shirk et de leur kufr. De même que la personne qui insulte Allah, ou qui insulte le messager, ou qui dit la ilaha illallah, yani, c'est-à-dire la personne qui insulte Allah et qui insulte son messager, et elle dit en même temps la ilaha illallah, donc yani, on ne va pas s'abstenir de cette personne jusqu'à ce qu'elle se soit repentie de ça. Le cheikh il dit ensuite, une autre question on lui a posé, ما الحكم إذا رأينا كافرا يفعل فعل الرجل الذي مع الصحابي وأراد أن ينجو فقال لا إله إلا الله والله أعلم بنيته؟ الجواب ما يقتل إذا قالها ولو لم يقلها قبل سابق حتى يثبت في أمره أو يثبت في أمره ولو كان يظن أو يظن أنه قالها تعوذا مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قالها تعوذا قال له أشققت عن قلبه إذا كان ما يقولها أصلا ثم قالها يمسك عنه حتى ينظر في أمره. Donc, quelqu'un a posé la question au cheikh, quel est le verdict si on voit un kafir qui fait la même chose que ce que l'homme avait fait avec le compagnon et qu'il voulait seulement se protéger pour se sauver lui-même. Il a dit « La ilaha illallah ». Allah connaît mieux son intention. Donc, c'est quoi la réponse à ce sujet-là? Le cheikh, il répond, il dit « Il ne peut pas être tué dans ce cas-là du moment qu'il l'a dit. » Même si il ne l'avait pas dit auparavant, on ne doit pas yani, le tuer jusqu'à ce qu'on ait vérifié sa situation et qu'on ait vérifié son cas. Même si on pense que la personne l'a dit juste pour se protéger. C'est exactement la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait condamné ou yani, dénoncé lorsque Oussama avait tué l'homme en disant qu'il l'avait seulement dit « La ilaha illallah » pour se protéger. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué Oussama pour avoir fait ça. Et il lui a dit « Est-ce que tu avais ouvert son cœur pour vérifier s'il avait dit vraiment ou non ?» C'est-à-dire « Ashaqaqta an qalbi » Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir hein, c'est une façon de parler pour dire « Tu ne peux pas savoir s'il est sincère ou non, juste hein, par rapport à sa parole. » Donc, du moment qu'il le dit, tu dois le laisser. Hein, vivant, tu ne dois pas douter de son intention jusqu'à ce que par la suite hein, tu vérifies sa situation et son cas hein? Et puis si tu vois par la suite que ça confirme sa croyance qu'il est réellement sur le tawhid, alhamdoulilah, si ça confirme le contraire qu'il n'est pas sur le tawhid, eh bien par la suite il y aura d'autres étapes avec cette personne. Une autre question qui a été posée au cheikh, ما حكم من قال لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت فضولي وهل هذا يكون كفرا؟ الجواب لا يكون كفرا ولكن يبين له أن هذا غلط وكلام ليس بالصحيح وأنه ليس بفضولي وأن هذا جهل ويبين له لأنه قد يعتقد أنه مصيب. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de la personne qui dit à celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, tu es une personne curieuse. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est kufr? Et le cheikh, il répond, il dit non, c'est pas kufr. Mais il faut clarifier à la personne que c'est une erreur et que cette parole est incorrecte. Hein, et que la personne n'est pas curieuse et que ça c'est de l'ignorance. Et donc, il faut lui expliquer ça parce qu'il se peut que la personne pense qu'elle a raison de dire ça. Mais la personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, hein, quand elle le fait, c'est pas parce qu'elle est curieuse, c'est parce qu'elle veut le bien pour les gens. Donc, le cheikh, on lui a posé une autre question. Ya cheikh, jumlatun min al-mu'asirin zakaru anna al-kafir man qala al من قال الكفر أو عمل بالكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة ودرجوا عباد القبور في هذا. الجواب هذا من جهلهم. عباد القبور كفار واليهود كفار والنصارى كفار ولكن عند القتل يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. يا شيخ مسألة القيام الحجة، الجواب بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، القرآن بلغهم وبين المسلمين. القرآن بلغه وبين المسلمين، أي نعم، القرآن بلغهم وبين المسلمين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلغ للناس، يا أيها الرسول بلغ، قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن وهم بين أيدينا يسمعونه في الإذاعات ويسمعون في غيرها ولا يبالون ولا يلتفتون، وإذا جاء أحد ينذرهم ينهاهم آذوه، نسأل الله العافية. Donc, le cheikh, on lui a posé la question, on lui a dit, parmi les contemporains, il y a des gens qui mentionnent que le kafir, c'est celui qui dit le kufr, ou qui fait le kufr. Et que, na'am. Et il dit que la personne ne devient pas mécréant jusqu'à ce qu'on ait établi sur elle la preuve. Et ils ont appliqué ça sur les adorateurs des tombeaux. Donc le cheikh il mentionne, il dit que ça c'est de leur ignorance. Il dit les adorateurs des tombeaux, les gens qui adorent les tombes, c'est des kuffars. Et les juifs c'est des kuffars, les chrétiens c'est des kuffars. Mais lorsque c'est vient le moment du combat ou de l'exécution, c'est on leur demande de se repentir. Et s'ils se repentent, ils sont laissés. Mais s'ils se repentent, ils refusent de se repentir, dans ce cas-là, ils sont tués, ils sont exécutés. Naam. Et la personne pose la question ensuite au sujet de la question d'établir la preuve. Et c'est ça ce que je mentionnais au dernier cours par rapport à la question de l'établissement de la preuve. Qu'il y en a des ulama, parmi les ulama comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Fawzan et d'autres, ma Cheikh aussi, considèrent que toute personne qui a entendu le Coran, eh bien la preuve a été établie contre lui. Parce que ça, c'est des choses qui font partie de ce qui est clair de la religion, le tawhid et le shirk. Donc pour eux, dans ces questions-là, il n'y a pas d'établissement de la preuve. Du moment que la personne a entendu le Coran, la sunna, et qu'ils comprennent la langue arabe, et qu'ils ont accès à la science, donc dans ce cas-là, ces gens-là sont... la preuve a été établie contre eux. Et le cheikh, c'est ça qu'il répond à ce sujet-là. Tandis qu'il y a d'autres ulama qui ont mentionné que, bien entendu, il y a des... Même Cheikh Ibn Baz aussi, même Cheikh Al-Fawzan, ils ont dit, si c'est des gens, par contre, qui n'ont pas accès à la science, qui sont dans des endroits très isolés ou qui viennent de se convertir à l'islam, ou qui est, que ce sont des gens qui ne comprennent pas l'arabe, des gens qui viennent dans des pays où ils n'ont pas lu le Coran en arabe, ne connaissent pas la langue arabe, ou des choses comme ça, ces gens-là, c'est pas la même chose. Mais ils les considèrent quand même comme étant des mouchriquins, mais et des kuffars, mais ils disent qu'il faut leur faire la da'wa et qu'il faut les appeler au tawhid et leur expliquer les choses. Et il y en a qui mentionnent parmi les ulama que ces gens-là, parmi ceux qui sont dans les catégories qui seront excusés, c'est juste qu'au jour de la résurrection, ils ne seront pas jugés de la même manière que les autres. Ils auront un jugement spécial et ils auront en fait une épreuve à traverser ou une épreuve à passer, et que s'ils réussissent cette épreuve, ils seront au paradis. Donc ça c'est ceux qui n'ont pas reçu le message, ou à qui le message n'a pas été transmis. Mais ici le chef il explique par rapport à ceux qui savent, et ça c'est par rapport à des gens qui font le shirk et qui adorent les tombes et les morts et qui connaissent la langue arabe et même parfois sont très, très éduqués et qui ont appris beaucoup de choses sur la religion de façon générale. Même parfois il y en a qui sont même des docteurs en islam, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, et qui défendent le shirk et qui déclarent même pouvoir ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans l'adoration des morts. Donc, ces gens-là, ils disent le Coran dans leur langue. Hein, le Coran, il leur a été transmis. Et ce Coran, il est une transmission pour les hommes. Et il est parmi les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 19, dans Surat Al-An'am, ceci. Le verset qui dit « Et on m'a révélé ce Coran pour que je vous avertisse et pour avertir tous ceux à qui il est transmis. » Et le verset 52 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et c'est une transmission pour les hommes. » Et le verset 67 dans Surat Al-Ma'ida « Oh, toi le messager, transmet. » Et le cheikh, il dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis. Et le Coran, il a été transmis. Hein? Et il est parmi nous, entre nos mains. Et on l'entend dans les émissions de radio, même à la radio, on entend le Coran. Et on l'entend également ailleurs. Et les gens, ils entendent des versets qui parlent du tawhid et qui interdisent le shirk. Et ils ne donnent pas d'importance à ça. Hein? Et si quelqu'un vient pour leur parler, pour leur dire que ce qu'ils font c'est du shirk, et pour leur interdire de le faire, ils lui font du mal. Hein? Ils lui disent des paroles, des insultes, ou même ils vont le frapper même, peut-être. Ensuite, quelqu'un pose la question à propos de... ensuite, une autre question a été posée. Hadith al-Rajul al-Ladhi qala, Iza mittu fahalikuni. الجواب هذا جهل من بعض السنن هذا جهل بعض السنن من الأمور الخفية من كمال القدرة وجهلهم وجهلها فعذر جهلها فعذر حمله على ذلك خوف الله وجهل تمام القدرة فقال لأهله ما قال دونك On lui a posé la question au sujet du hadith dans lequel on mentionne que l'homme, lorsqu'il est mort, il avait demandé à ses enfants de le brûler et de répandre ses cendres. Donc le cheikh dit ça, c'est parce qu'il a ignoré. Il ignore certains des éléments qui sont subtils, comme la perfection de la toute-puissance d'Allah. Donc à cause de son ignorance, il a été excusé. Parce qu'il a fait ça par crainte d'Allah. Hein? Donc, le fait d'ignorer la puissance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la personne a ignoré ça, alors à cause de ça, elle a dit à sa famille, à ses enfants de le brûler, puis de répandre ses cendres. Il pensait qu'Allah n'allait pas pouvoir le ramener devant lui parce qu'il avait honte de ses péchés. Malgré que ça, c'est comme les ulama ils mentionnent souvent ce hadith-là pour dire que si quelqu'un fait un acte de kufr par ignorance, qu'il est excusé. Donc s'il ignore des choses qui sont subtiles comme ça, il peut être excusé dans ces choses-là. Et ça, c'est le cas de cette personne. Un autre exemple, qu'on a posé la question au cheikh, sujoud ou mu'az للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب هذا إن صح في صحته نظر ولكن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشركين هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وهذا له شبهة في أول الإسلام ولكن استقر الدين وعرف أن السجود لله وإذا كان هذا أشكل على معاذ في أول الأمر ولكن بعده ما يشكل على أحد. Donc le cheikh on lui a posé la question à propos de la prosternation de Mu'adh devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ça, il y a déjà à propos de son authenticité, il dit il faut vérifier l'authenticité de cette parole. Mais il dit mais Mu'adh, même si cette parole elle est vraie, même si elle était authentique, c'est parce que Mu'adh il a pensé que si c'était permis aux gens importants parmi les mouchékin que les gens se prosternent devant eux, donc il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur qu'eux, et donc il a fait cette analogie là en disant que si eux ils le font pour ces gens là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mérite encore plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de le faire. Il lui a dit que si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à l'homme, à la femme de se prosterner devant son mari. Hein? Donc c'était pour lui montrer que la prosternation devant un autre être humain, c'est haram. Et donc, ça c'est parce que c'était au début de l'islam. Et les gens, ils avaient une choubha, ils n'avaient pas bien compris quelque chose, peut-être cet aspect-là. Mais une fois que la religion, elle a été clarifiée, établie, et que les gens ont su que la prosternation, c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah, par la suite, ça c'est devenu clair. Et si ça a été quelque chose qui a causé un problème dans la compréhension de Mu'az ibn Jabal au début, par la suite, ça ne pose plus de problème pour personne, parce que ces choses-là sont devenues claires par la suite. On a posé la question au cheikh ensuite. بعض أئمة الطرق المنحرفة الذي يقول بعض أئمة الطرق المنحرفة الذي يقول وصلنا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمنا العبادات. الجواب هذا يكفر عند أهل العلم بإجماع أهل العلم. من قال تسقط عني العبادات كفر بإجماع أهل العلم إلا إذا كان جن أصابه جنون. Donc on a posé la question au cheikh à propos de certains imams des Toroq déviés, comme les soufis par exemple. Ils disent qu'ils sont arrivés à un degré de certitude et qu'à ce moment-là, les obligations, les adorations obligatoires ne sont plus obligatoires pour eux. Le cheikh il répond en disant que ça c'est kouf selon tous les hommes de science, selon le consensus des hommes de science. Ça, cette personne qui dit ça, elle a mécru. Le cheikh il dit, celui qui dit toutes les adorations ne sont plus obligatoires pour moi, il a mécru, il a rejeté la foi selon le consensus des hommes de science. Excepté s'il a dit ça à un moment de folie, quand il est devenu fou. Donc, on sait que la personne, une fois qu'elle est folle, elle est excusée. Et c'est souvent ça qui arrive à ces soufis-là, quand ils sont pris par des moments de folie, ils perdent la tête, et ils disent des paroles de kouf. Donc, Allah mustaan. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la semaine prochaine, inch'Allah.